segretario del Comitato per la preparazione del Sinodo Panortodosso e dall'82 è arcivescovo per la Svizzera per i fedeli di rito appartenente alla Chiesa bizantina in Svizzera. Si aggiunga che questa sua partecipazione avviene nel, per caso naturalmente, grazie al Concilio di Trento, nel 1995, che è l'anno 25esimo del suo episcopato, speso nell'attività al servizio dell'ecumenismo con una dedizione eccezionale. E invito io personalmente i presenti a salutare questa fausta da sono una fausta. L'attività ecclesiale del metropolita Papa Andreo è accompagnata dal suo personale impegno culturale e teologico. Dirige due riviste che tutti conoscono, tutti quasi, Episcepsis e Sinodica, che dà le notizie del mondo ortodosso in Europa, in francese, di solito, perché Sinodica pubblica anche in altri, in greco, in altre lingue, ed è curatore della collana ormai nutrita di titoli di studi teologici. Le sue personali pubblicazioni poi ve le risparmio perché sono troppe, soltanto ricordo Ortodoxie und Oikumene del 86, Ortodoxia che è Cosmos, l'ortodossia del mondo, che in russo e in greco, importante tema per la Chiesa ortodossa, sarebbe il Devil Gaudium Spes tradotto come interesse alla Chiesa ortodossa, e poi un grosso contributo alle ortodosse prospettive del dialogo, dei vari dialoghi ecumenici in corso. Ma ci sono molte altre che cominciano. Grazie agli organizzatori, credo che sia il primo rappresentante ufficiale del Patriarcato di Costantinopoli alla serie di convegni che si sono tenuti sul Concilio di Trento. Lui ha partecipato al convegno sul Concilio di Ferrara e Firenze, ha partecipato a molte altre, quello di Costantinopoli 381, a tante altre iniziative comuni, ma su quelli di Trento no. E perché? Perché di Trento in genere non si considera il tema della partecipazione della Chiesa bizantina, almeno nella storia greca. In ciò egli è più fortunato di tre suoi predecessori, tecnicamente, canonicamente predecessori, Macarios di Eraclea, illustre ignoto naturalmente, Mitrofanis di Cesarea di Cappadocia, un po' meno ignoto perché divenne patriarca ecumenico, col nome di Mitrofanis III, e un arcivescovo di Galazia, di cui ancora non ho trovato il nome, ma che era canonico arcivescovo di Galazia. Questi furono inviati e rappresentanti ufficiali dei patriarchi di Dionisio II e Giosafat I di Costantinopoli al Concilio di Trento. E di questo non avete sicuramente letto da nessuna parte. I quali, sollecitati e aiutati dai veneti e per invito non dei papi, guardate bene, ma di arcivescovi come Pietro Lando, veneto arcivescovo di Creta, o il cardinale Madruzzo, di cui avete sentito parlare, ecco, hanno cercato di venire a rappresentare a tutte e tre le sessioni il Patriarcato di Costantinopoli in sede di concilio. Uno ci arrivò, Macario. Stette a due sedute, gli fecero giurare e controgiurare, eccetera. Lui accettò tutto quello che doveva accettare, ma non nulla contro la sua chiesa. Fecero una discussione in cui intervenne e non tenne conto il segretario del voto scrivendo: non capisce il latino e il latino italiano. Chi gli faceva da traduttore era un vescovo calabrese, Martirano. Comunque dopo di questi due giorni non se ne parla più, ed è l'unico accenno sbagliato che c'è negli atti del Concilio. Dico sbagliato perché col titolo di Arcivescovo Tessalonicensis, mentre aveva il titolo di Eraclea, anche se era il prodotto della metropolitana di Tessalonica, ma queste erano finezze e il segretario sapeva. Comunque non se ne parlò più. Gli altri due invece furono dirottati a Roma, udienza del Papa, eccetera, ma non vennero mai al concilio, non poterono venire mai al concilio. Lui non è venuto al concilio, ma ha potuto venire grazie alla lungimiranza e allo spirito ecumenico dei organizzatori del congresso, è potuto venire a questo congresso sul Concilio di Trento. E in questo senso vediamo meritatamente anche dal punto di vista storico, non solo dal punto di vista chiarissimo dell'attualità. Vi ho accennato telegraficamente al contenuto che se mi leggessi occorrerebbero 2 ore e mezza circa, insomma, la Chiesa greca, il Concilio di Trento e la Chiesa greca che ho preparato e dato all'organizzazione sarà a parere ammigliati. Perché è qui raccontata questa storia di cui vi ho dato soltanto un piccolo saggio. Messere Presidente, Messere Frère, qu'il me soit permis de parler en français pour ne pas maltraiter ces belles langues italiennes. Je parlerai sur le thème conscience conciliaire, expérience incrémentale dans l'œuvre du Concile de Trente. Le Concile de Trente est sans doute la manifestation la plus significative de la conscience conciliaire de l'Église romaine durant le deuxième millénaire. Ce Concile, bien qu'ayant été réunis sous la pression des succès de la réforme protestante auprès de la chrétienté de l'Occident, et ayant été confronté à un des multiples problèmes dans le déroulement de ces travaux, a produit au cours de ces 3 périodes de travaux un important travail ecclésial et théologique qui détermine jusqu'à nos jours le parcours historique de l'Église catholique romaine. Cependant, outre l'importance de l'œuvre théologique produite, la réunion du Concile elle-même était extrêmement importante pour la conscience de soi de l'Église catholique romaine. Des mouvements réformateurs et théologiens du XIVe et du XVe siècle firent compter c'est la controverse dialectique relative au rapport entre l'autorité du Concile ecuménique et l'autorité militaire. Le Concile formateur de Pise, de Constance et de Bâle non seulement mis en relief la supériorité de l'autorité du Concile ecuménique par cette étape, sur cette étape, mais ont en outre exigé la soumission du pape à cette autorité suprême du Concile ecuménique. En d'autres termes, les courants réformistes précurseurs associés à la renouvelle de la visibilité de l'Église catholique romaine au fonctionnement de l'institution conciliaire via synodica, dont la supériorité d'autorité vis-à-vis de ces états avait été reconnue et confiée au Concile la mission d'introduire une réforme disciplinaire in capite et in membris considérée indispensable. Premier chapitre, le pape et le concile ecuménique avant la réunion du concile du temps. Dans ce contexte historique, le pape Eugène IV, qui s'était provisoirement plié aux 10 conditions posées par le concile de Bâle au détriment de l'autorité du pape, se montra même disposé à accepter les conditions de l'Église orthodoxe d'Orient pour la réunion d'un concile ecuménique respectant les critères établis de la tradition conciliaire du premier millénaire, pour faire face par la procédure conciliaire une divergence théologique bien connue qui perpétuait le grand schisme 1054 entre les églises d'Orient et d'Occident. Le pape, Eugène IV, n'avait plus des difficultés à accepter ces conditions, puisque sous la pression du concile de Bâle, Il avait déjà reçu le décret du Concile de Constance relatif à la supériorité de l'autorité du Concile vis-à-vis de celle du pape. En effet, lors de la quatrième et de la cinquième session du Concile de Constance, 14 avril 1408, on avait proclamé cette supériorité en la formulant ainsi. Le Concile de Constance, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, formant un concile œcuménique et respectant l'Église militante et représentant l'Église militante, tient sa puissance directement de Dieu. Et tout le monde, y compris les papes, est obligé de lui obéir en ce qui concerne la foi, l'extension du schisme et la réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres. Le concile formateur des papes renouvela cette décision sur une formulation courte et rigoureuse quant à l'autorité des papes. Je cite. Un concile général reçoit immédiatement son pouvoir de Christ. Et tout homme, même le pape, doit lui obéir en ce qui concerne la foi, l'extirpation des schismes et la réforme générale de l'Église dans son chef et dans ses membres. Fin de citation. Le pape, Jean IV, fut contraint d'accepter la formulation du conciliaire du Concile de Constance. Cependant, les progrès marqués dans les pourparlers du siège de Rome avec l'Église d'Orient afin de réunir un concile écuménique union facilitaient sa politique tendant à transférer et, si possible, à neutraliser le concile de Bâle. L'accord du siège de Rome avec l'Église d'Orient ayant trait à la convocation d'un concile écuménique afin d'expliquer le schisme constituait en premier lieu une adhésion cohérente par rapport au compromis fait au Concile de Bâle du pape au principe de la tradition conciliaire commune du premier millénaire. Suivant cette tradition, la dialectique scolastique des canonistes sur l'autorité supérieure du pape vis-à-vis de ce concile écuménique était inconcevable. Dès lors, à l'issue des négociations, ayant duré plusieurs années, menées par les représentants des Églises de Rome et de Constantinople, on s'était entendu strictement appliquer les critères de cette tradition à la réunion et la constitution du Concile d'Union proposé. Dans ce sens, on trouva en effet d'accord sur la nécessité impérieuse que le Concile soit non seulement représenté des cinq sièges patriarcaux de l'Occident et de l'Orient, Rome, Constantinople, Alexandre, Adios, Jérusalem, mais qu'en outre y participe tout le monde père conseiller du Concile réformateur du Bâle. Dans cette optique, les représentants de l'Église d'Orient insistaient sur la nécessité d'attendre l'arrivée du père conseiller du Bâle, puisqu'ils considéraient qu'ils étaient injustes de délibérer en l'absence des prélats qui s'étaient réunis au Concile du Bâle. Cependant, le pape invoqua la position du 7e Concile œcuménique 787, si la convocation canonique d'un Concile œcuménique, afin de convaincre les orientaux d'accepter de commencer les travaux même en l'absence de père conciliaire du pape. Car le pape disait, ceci, là où je me trouve avec les rois et les patriarches, là se trouve les conciles entiers des chrétiens, d'autant plus que tous les patriarches et nos prélats s'y trouvent aussi. Fin de citation. La question de la primauté du pape, bien qu'il fût convenu de ne pas en parler durant les conciles, ne pouvait pas être entièrement évité au cours des vifs débats théologiques. Le cardinal Césarini, légat du pape au concile de Bâle également, profita de la lecture de la lettre du pape Agathon adressée au 7e Concile œcuménique 681 pour mettre en relief la supériorité de l'autorité du pape vis-à-vis de celle du Concile œcuménique en matière de foi. Je cite, chaque fois que ceci, indifférent au sujet de la foi, cela concerne le primat des romans qui doit les résoudre. Et une fois qu'il se prononce, tous les conciles et toute l'Église doivent se conformer à cette vérité. Fin de citation. Le métropolite Bessarion de Nicée, plus tard cardinal de l'Église catholique romaine, contesta les positions de Césarine en argumentant que le fait d'enseigner correctement la foi au peuple était le devoir commun de tous les évêques et non seulement du pape. Car il appartient à quiconque respecte les dogmes communs, disait-il, d'exposer sa propre foi dans la mesure de ses possibilités selon sa volonté. C'est-à-dire, lorsqu'il ne prétend pas imposer un enseignement commun ou un credo commun, mais expose sa propre foi de cette manière, il est impéré que le bienheuré agathe et même les moindres évêques enseignent et conseillent le peuple. Fin de citation. Césarini avait exigé qu'on admette la suprématie de l'autorité des papes vis-à-vis de ces conciles ecuméniques pour défendre la légalité de l'ajout des filioques au symbole de foi. Cela provoqua une réponse encore plus dure de la part de Césarini qui lui opposa la tradition orthodoxe. Ce n'est pas seulement à l'Église romaine que nous, l'Église d'Orient, refusons la permission, l'ajout du credo, disait Bessarion, mais aussi à toute Église et à tout concile, même ecuménique, car même si l'Église romaine a de l'autorité, elle en a moins que le concile ecuménique et l'Église universelle. Et nous contestons ce droit à toute l'Église, à plus forte raison à l'Église romaine. Fin de la citation. L'insistance sur le fait de refuser ce droit même à l'Église romaine n'est pas sans rapport, d'une part avec la situation existante du Sud, d'autre part avec l'institution canonique de la pédarchie des patriarches dans le contexte dans lequel le pape était reconnu comme primus inter pares. Les orientaux considéraient ce fondement canonique comme inébranlable. Et celui-ci avait aussi été reconnu par le pape Jean IV avant même la convocation et le fonctionnement du concile d'Union de Ferrare-Florence, comme cela apparaît dans sa déclaration subventionnée concernant la plénitude canonique du concile. Cependant, l'accord obtenu lors des négociations préliminaires n'empêchait pas le légat du pape au concile d'avoir les réserves. Ainsi, l'évêque catholique romain de Rhodes, André Chrysobelis, ne partageait pas le principe canonique d'égalité de l'autorité du pape et de celle des patriarches dominants. Dès lors, il ne considérait pas nécessaire de supprimer du credo l'ajout du filioque uniquement parce que cet ajout était critiqué par les quatre patriarches d'Orient. Il est évident qu'au sein du Concile se sont affrontées deux traditions, non seulement sur l'autorité du pape, mais aussi sur l'autorité du Concile ecuménique, en dépit du fait que Jean IV avait déjà accepté la décision du Concile réformateur de Constance sur la suprématie de l'autorité du Concile ecuménique. Cette question a fait l'objet d'un débat encore plus âpre lors des négociations des deux parties pour déterminer comment la place du pape dans l'Église universelle. Ces négociations ont été menées par les commissions des deux parties aux sessions de Florence, à savoir lorsque la pression exercée par l'empereur byzantin Jean Paléologue sur les délégués de l'Église d'Orient de procéder à des solutions de compromis dans le but d'accéder à l'union des deux églises, était devenu insoutenable. Jean IV exigeait que les orthodoxes reconnaissent que le pape a et souverain pontife des successeurs de Pierre, de l'Ocumtenes du Christ, B, juge et dirige l'Église universelle comme enseignant et pasteur, C, est supérieur au concile ecuménique et des juges des patriarches d'Orient. Les délégués d'Orient ont unanimement rejeté ses prétentions papales, mais ont finalement dû céder sous la pression de l'empereur. Cependant, cet accord a été donné sous les conditions suivantes. 1. Que le pape ne pourrait pas convoquer un concile œcuménique sans la participation de l'empereur byzantin et des patriarches de l'Orient. B. Que le droit canonique des sièges patriarcaux de l'Orient resterait inviolable. C. Le droit de recours auprès du pape ne serait chaque fois exercé par l'envoi de la part du pape délégat qu'au fort du siège patriarcal auquel appartenait l'évêque recourant contre une décision patriarcale, et D. La primauté du pape devrait être comprise et exercée selon la manière envisagée dans les actes du concile œcuménique et les saints canons. Il est évident que ces conditions précises posées par les orthodoxes visaient à soumettre la formulation extrême du texte relatif à l'autorité du pape aux critères canoniques de la tradition commune d'avant le schisme 1054. L'obligation de concevoir la primauté du pape dans le contexte des critères de cette concile œcuménique et des saints canons, ainsi que l'engagement de respecter les prérogatives et les droits canoniques des patriarches d'Orient, ont légitimé une double possibilité d'interpréter l'accord afférent obtenu au Concile de Florence. Les sièges de Rome pouvaient soutenir la reconnaissance de la primauté du pape par les représentants de l'Église orthodoxe au Concile, puisque les exigences du pape avaient été acceptées dans leur majorité, ne fût-ce que sous certaines conditions. À l'inverse, les représentants de l'Église orientale pouvaient affirmer que, par l'étouchement des conditions subventionnées, ils avaient rejeté les revendications du pape sur la primauté de pouvoir exercer sur toute l'Église, puisqu'ils n'avaient pas accepté d'affranchir l'autorité papale des limites canoniques des actes de cette concile œcuménique et des canons sacrés à faire. L'explosion de la réforme protestante pourrait être qualifiée de conséquence inévitable de la tentative systématique de tous les papes au 5e et au début du 16e siècle de faire obstruction aux revendications croissantes avancées par les clercs et les moines lettrés pour procéder à une réforme interne de l'Église d'Occident in capite et in membres. La majeure partie de la responsabilité incombée au pape qui avait des raisons sérieuses d'envahir ses courants, d'une part, parce que ceci visait à limiter le pouvoir démesuré du pape et de la Curie romaine, d'autre part, parce qu'il clamait la nécessité de soumettre le pape à l'autorité suprême du Concile œcuménique. Alors que le Concile réformateur de Pise, de Constance et de Bâle avait officiellement affirmé, et par large consensus de leurs membres, la soumission du pape à l'autorité suprême du Concile œcuménique, le Concile d'Union de Ferrare-Florence, auquel avaient participé aussi les délégués de l'Église d'Orient, fut contraint d'accepter, ne fût-ce qu'une vague consécration d'une primauté du pape contrôlée, où on avait cependant pris soin d'éviter toute référence à la question cruciale du rapport du pape, concile œcuménique, ou de l'exercice du pouvoir papal sur le patriarcat de l'Orient. Dans ce sens, le Concile d'Union de Ferrare-Florence, jouissant d'un prestige plus grand à raison de la participation des délégués de l'Église d'Orient, non seulement donna à nouveau matière aux revendications papales à l'intérieur où dominaient les défenseurs des réformes au Concile de Bâle, mais dans le même temps, peuvent apporter un coup fatal au réveil de la conscience considérée de l'Église. Le pape, au général, bien qu'ayant accepté le décret du Concile de Constance, obtenant la prima del pape, profitant de son succès inaspéré au Concile de Florence, non seulement pour dissoudre le Concile gênant de Bâle, mais pour neutraliser tout courant réformateur. Cependant, la décision du Concile de Constance de Bâle avait été largement reçue par les églises des États les plus importants de l'Occident, notamment celles relatives à la soumission du pape à l'autorité du Concile d'Écuménie, alors que les décisions du Concile de Florence sont restées en marge de l'aspiration de réforme de la chrétienté occidentale. La réorganisation de l'Inquisition constituait la réponse la plus immédiate des papes de la Renaissance à ces aspirations. Deuxième chapitre, les papes et les conciles féminins au concile de Rome. La réforme protestante au XVIe siècle ranima une controverse avec des publiés, pourtant à la fois sur l'autorité des papes dans l'Église et sur la nécessité de réforme dans l'organisation et l'opération de l'Église d'Occident. Luther, au début de sa quête de réforme, demandait le retour de l'institution papale à sa fonction ecclésiastique devant le décret de Gratien Concordia Discordantium Canon du IIe siècle et la convocation d'un concile ecuménique pour renouveler la vie ecclésiastique tout entière. Cependant, la via synodica était désormais impraticable pour les siècles papales. Si le Concile œcuménique proposé par Luther avait été réuni, cela aurait certainement empêché en grande partie la division de la chrétienté de l'Occident. La réunion du Concile de Trente venait trop tard, puisque la carte confessionnelle de l'Europe occidentale était déjà tracée. Il s'avéra cependant très utile pour faire retrouver, ne fixer que de façon forcée, à l'Église catholique romaine les sources de sa foi et de son expérience spirituelle, sources que même les protestants ne contestaient pas. Les protestants contestaient l'édifice entier de la théologie scolastique et de ses conséquences sur l'organisation et la vie de l'Église occidentale. Érigé un système par les canonistes de la Curie romaine qui défendait l'autorité du pape. Cette contestation détermina en même temps le terrain d'attente de l'Église catholique romaine avec les protestants. La réunion du Concile de Trente avait pour objectif principal d'entamer un dialogue théologique officiel avec les protestants afin de restaurer l'unité embrasser le corps ecclésial de l'Occident. C'était donc un concile réuni pour colmater la brèche théologique ecclésiastique avec la réforme protestante. Si c'était là réellement l'objectif principal du concile, alors ce travail n'a pas efficacement servi cette fin, étant donné que ces décisions ont confirmé ou rendu définitive la rupture du corps ecclésial. Les protestants n'ont rejoint le concile que durant la deuxième période de ses travaux et se sont retirés ayant constaté l'impossibilité de concilier les thèses théologiques opposées. Cependant, mis à part cet objectif précis dont l'échec était clairement une question de temps et non seulement d'institution, le Concile de Trente a produit une œuvre théologique importante pour la réforme interne de l'Église catholique romaine. En dépit du fait qu'il dut interrompre plusieurs fois son travail, et malgré les vives dissensions entre ses membres portant C'est des questions substantielles d'organisation et de fonctionnement du corps ecclésial. Les conciles présentent une cohérence théologique véritablement digne d'admiration dans l'économie entière de son travail. Cette cohérence est habituellement associée à l'obligation théologique de réfuter les thèses protestantes de la confession d'Oxford. Cette approche ne peut certes pas être qualifiée d'erronée, mais ne peut non plus interpréter de manière univoque la cohérence intrinsèque du travail théologique du Concile, fondé sur une base ecclésiale stable. En effet, le Concile, bien qu'il n'ait pas évité de se confronter à la contestation de la part des protestants, de l'expérience mystique de l'Église, ne s'est cependant pas limité à simplement opposer de manière polémique ou contradictoire les arguments de la théologie scolastique, théologie qui avait déjà été désapprouvée par les grands réformateurs. Au contraire, il tira profit de la recherche de la tradition et de la praxis de l'Église pour renouveler son enseignement sur les saints sacrements, dépasser le thomisme pour révéler l'expérience mystique de l'Église, constituer l'axe central du travail théologique du Concile du Trente, qui servait à faire converger les forces centrifuges. L'attachement du Concile à mettre à profit la richesse de la tradition ecclésiale sur les saints sacrements, bien que dans de nombreux cas, il ne soit pas assez mort, explique la cohérence interne de son œuvre, axée sur la référence constante aux critères transtemporels de l'expérience mystique. Il est très significatif que la question des structures d'organisation du corps ecclésial soulevée par les thèses extrêmes de l'enseignement des réformateurs sur les sacerdotes général et fidèles, préoccupa le Concile des Trente au cours de plusieurs sessions de la deuxième et de la troisième période de ses travaux. Elle fut cependant constamment examinée en référence au sacrement de l'ordination tel que l'interprétait la praxis canonique et la tradition patristique tout au long de l'histoire de l'Église. Accès sur le sacrement d'ordination, c'est bien sûr aussi la problématique plus ancienne du Concile des formateurs de Constance de Bâle, qui s'est surgie dans le débat conciliaire, mais dans un nouvel esprit et dans un nouveau contexte historique. C'est lui qui était désormais déterminé aussi par la théologie des protestants concernant les régimes des tendances hiérocratiques ou plutôt épiscopalistes de la théologie scolastique et des canonistes de la curie romaine. C'est aussi dans cet axe que furent décrets lors des délibérations afférentes du Concile les théories des canonistes occidentaux affirmant non seulement la primauté du pape des droits divins dans l'Église, mais aussi des fondements des droits divins de la place de l'évêque dans la constitution du corps ecclésial, de chaque église locale, residentia episcoporum de jure de vie. Le Concile ayant associé la quête théologique à la réalité transtemporelle de l'expérience mystique, le débat conciliaire sur l'autorité du pape ou la mission des évêques dans l'Église ne pouvait y se rapporter, cette association servant de fondement pour référer les sacerdotes au sacrement de l'Eucharistie et à l'expérience mystique tout entière de l'Église. Certes, bien que la sensibilité théologique des membres du Concile à l'égard de cette référence alla désormais de soi, celle-ci n'a pas été systématiquement mise en conflit en raison notamment du danger qu'une telle référence soit mal interprétée par les protestants. Il fut par exemple proposé L'inclure au texte considère sur les sacerdoces, déclaration sur le profond rapport existant entre les sacerdoces et l'Eucharistie, rapport découlant de la tradition et des praxis séculaires de l'Église. Cette déclaration, bien que ne pouvant plus être contestée par le monde du Concile, fut finalement évitée, suivant les raisonnements qu'elle pourrait être utilisée par les protestants pour étayer leur thèse, à savoir que l'évêque n'a rien de plus que le prêtre qui célèbre aussi la divine Eucharistie. La proportion concrète qui ne fut pas finalement intégrée au texte pour les raisons historiques précises était la suivante. De même qu'il est sacrement, l'ordre constitue un seul sacrement. En effet, bien qu'il comporte plusieurs degrés et fonctions distinctes, tout cela se réfère et s'ordonne à l'unique sacrement et sacrifice de l'Eucharistie. Cette formulation était agréée par les représentants de toutes les tendances au sein du Concile. Mais ce sont surtout les défenseurs qui parlent de l'idée que le fondateur de l'Église Jésus-Christ était l'origine du pouvoir épiscopal, d'autre part de l'ordre canonique, qui utilisait comme argument le pouvoir exclusif des évêques d'ordonner les prêtres. Les deux approches avaient comme point commun l'origine divine du pouvoir épiscopal, mais les considérations d'opportunité ont été plus fortes que les approches correctes de la question lors de l'élaboration du texte conciliaire sur les sacerdoces. Au lieu donc d'une référence directe du sacerdoce à la divine Eucharistie, on préféra, dans le texte conciliaire, enferrer ce rapport incontestable à la succession apostolique des évêques qui ont succédé aux apôtres à leur place et que l'Esprit Saint a établi comme berger de l'Église de Dieu. Fin de citation. Il semble alors évident que le pouvoir sacerdotal des évêques n'avait plus de référence directe au sacrement de la divine Eucharistie, mais au fait que les sacerdoces avaient été divinement institués pour les apôtres et les successeurs des évêques. On perçoit dans les travaux et la méthode utilisée par les conciles de Trente la volonté de mettre constamment en relief, comme base de discussion, la tradition ecclésiastique de Saint-Sacrement. Il s'avéra donc impossible de séparer la question de l'autorité du pape et la vie de l'Église, comme l'avaient fait les conciles réformateurs d'Église, de Constance et de Bâle. Certes, les conciles n'avaient pu éviter de se référer à plusieurs reprises décision de ces conciles réformateurs relatifs à la soumission du pape à l'autorité du concile œcuménique et à l'origine divine du pouvoir épiscopal, des représentants français, espagnols, etc. Cependant, ces références ont toujours été faites dans le contexte de discussion des textes sur les sacrements de l'ordination et des canons afférents du concile. En effet, le délégué de l'RSI de France, Lansac, Ferry et d'autres, ont déclaré au légat du pape que la suprématie du concile vis-à-vis du pape avait été proclamée par le concile de Constance et qu'elle avait été généralement acceptée par l'Église de France. Ils avaient dès lors reçu l'instruction de n'accepter aucune discussion sur ce sujet, mais aussi de réagir contre toute proposition. À cet esprit, il rejetait toute proposition de légat du pape ou des partisans de la primauté du pape, qui pourrait être interprétée comme une reconnaissance de l'autorité supérieure du pape vis-à-vis de celle du concile, rector ecclesiae universalis, Carus Christi, etc. Les défenseurs de la primauté du pape, leur opposé, apparemment sûrs suggestion de la curie romaine, la décision afférente du Concile d'Union de Florence met les Français, les Espagnols et les autres partisans de la constitution conciliaire ou de l'origine divine du pouvoir épiscopal soutenaient que le Concile de Florence n'avait pas été réussi par l'Occident, alors que les décisions contraires du Concile réformateur de Constance de Bâle l'avaient. La proposition d'intégrer les textes de Florence à celui du Concile de Trente sur les sacerdotes, canon 8, fut très vivement critiquée et rejetée. Par conséquent, Concile de Trente, le fait d'avoir axé la question de la primauté du pape sur les délibérations relatives au sacrement de l'ordination a rendu pratiquement impossible toute prise de décision spécifique, garantissant concilièrement cette primauté, ne fût-ce que sous la forme conventionnelle de réception par l'Occident de la décision à cet écart du Concile d'Union de Florence. Le défenseur de l'autorité du pape, des canonistes surtout, cherchait habituellement à utiliser les données historiques, mais le fait d'en décret ces données au texte des sacerdotes présupposait qu'on donne une réponse satisfaisante à la question fondamentale de l'origine du pouvoir des évêques, soit en tant que pasteur de l'église locale, la question était soulevée notamment par les Espagnols, soit aussi en tant que corps réuni à un concile œcuménique ou général, la question était soulevée surtout par les Français. Les pouvoirs des évêques tirent-ils son origine immédiatement, indirectement de Dieu ou indirectement par l'intervention de l'autorité du pape? L'insistance des Espagnols, des Français, d'autres membres du Concile, à proclamer l'origine divine du pouvoir des évêques, que ce soit de Dieu, du Christ ou du Saint-Esprit, était interprété par les défenseurs de l'autorité du pape comme une proclamation d'indépendance complète des évêques vis-à-vis du pape. Ce dernier montrait de la réticence pour accepter relativement aux évêques les termes même des successeurs des apôtres. Face aux vives controverses, entre tenants de diverses tendances, soulevées à chaque phrase des textes conciliaires sur les sacerdoces, et plus particulièrement sur les questions des relations du pape à la fois avec les collèges des évêques et les conciles œcuméniques, le concile finit par réaliser qu'il était difficile d'en décret dans un texte théologique sur les sacrements de l'ordination les théories des canonistes sur la primauté du pape. Si l'évêque du pape avait insisté pour que cette primauté soit définie par une décision conciliaire, cela aurait abouti à une confrontation du pape à la fois avec les tenants de la suprématie de l'autorité conciliaire et avec celle d'origine divine du pouvoir épiscopal. En ce sens, en dépit d'une foule de propositions positives ou négatives, environ 200 ans, visant à fournir à la primauté du pape une consécration conciliaire, il fut généralement admis que les conciles ne pourraient se mettre d'accord sur une décision concernant l'autorité du pape dans l'Église ne serait que sous la formulation conventionnelle de la décision relative prise par les conciles d'Union de Florence. Les conciles avaient centré ces débats sur l'origine du pouvoir épiscopal. Cela faisait que chaque position positive à l'égard de la primauté du pape entraînait sa référence immédiate à la question des relations entre le pape et les évêques. Question sur laquelle la majorité des peuples membres du Concile se montrait particulièrement sensible. Les évêques rejetaient toute forme de référence de leur pouvoir épiscopal au pape, dans le sens d'être considérés comme des vicaires, celui-ci, dans les églises locales. Patrem sollicitundis. Il ne voyait cependant pas d'obstacle de Russie qui a référé au pape les réélections canoniques au décret épiscopal. Ils ont dès lors accepté la décision conciliaire selon laquelle évêques canoniques sont ceux qui sont élus par l'autorité du pontife romain, canonique. Une telle approbation n'était pas inconciliable avec la revendication des évêques, consistant à ce que les conciles reconnaissent aussi bien Dieu comme l'origine directe de leur pouvoir épiscopal que l'exercice autonome de ses pouvoirs dans les églises locales. Troisième chapitre, perspective actuelle de l'évêque concile. Une variation du concile de Trente a par conséquent, où se doit avoir comme fondement ecclésiologique, le principe fondamental de la tradition orthodoxe selon lequel l'Église se manifeste dans les sacrements. Premièrement, la répercussion douloureuse que la réforme protestante a eu sur l'unité de l'Église d'Occident, d'obliger cette dernière à avoir recours au système conciliaire dans l'espoir de sauvegarder ainsi l'unité du corps ecclésial. La convocation de ce concile en tant que concile œcuménique confirme les principes ecclésiologiques conformément auxquels la conscience conciliaire constitue un élément inaliénable de l'identité de l'Église. En effet, selon Saint Chrysostome, l'Église est un autre nom du concile. De même, le concile, tel qu'il est vécu de la tradition orthodoxe, est une manifestation de l'Église. Deuxièmement, ce concile, indépendamment des causes de sa réunion, exprime cette conscience inhérente de l'Église occidentale. Cette conscience ne pouvait disparaître dans la dialectique univoque des conciles réformateurs du XVe siècle. Pourtant, sur la question de savoir quelle autorité était supérieure à l'autre, celle du pape ou celle du concile ecuménique, les membres du concile ont été amenés, par la force des choses, à réfléchir sur l'identité même de l'Église, examiner selon les critères de l'enseignement vécu sur les saints sacrements, lesquels véritablement manifestent la nature de l'Église, et non pas selon les critères conventionnels avancés par les théories canoniques sur l'autorité du pape ou celle du concile ecuménique. En ce sens, l'œuvre théologique du concile de Trente, d'une part, libéra l'Église catholique romaine, dit l'abeillante des raisonnements rationalistes de la théologie scolastique. D'autre part, mis en valeur la dynamique théologique de l'expérience sacramentelle du corps de Christ qui est l'Église, au sein duquel aucun membre n'existe en soi, et tous existent et opère en raison de leur existence dans les corps. Troisièmement, la difficulté rencontrée par les conciles pour définir soit la primauté du pape en tant que telle, soit les propositions posées à cette primauté qui concernaient l'origine divine du pouvoir épiscopal est bien compréhensible. Ces propositions revendiquaient en effet l'autonomie du même ou même l'émancipation des membres du corps, alors que les fondements sacramentels requéraient l'unité fonctionnelle du corps ecclésial tout entier. Unité qui excluait que l'enseignement sur les sacrements de l'ordination soit développé dans un sens papocentrique ou hiérocratique. Il est très significatif de constater que les papes de trois premières périodes du concile, bien qu'ils étaient suivis avec une anxiété bien compréhensible ces travaux, et qu'ils étaient informés de vives controverses quant aux questions de l'autorité du pape ou de l'origine divine du pouvoir épiscopal, ont systématiquement évité d'exiger de la part du concile ou de lui imposer d'approuver les proclamations chères aux canonistes relatives à la primauté du pape. C'est qui avait tenté sans grand succès le pape du concile réformateur du XVe siècle. Ces éléments du concile de Trente expliquent pourquoi la théologie orthodoxe évalue sans doute positivement l'œuvre du concile. Il succédait en outre sa valeur considérable pour le dialogue théologique actuel entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. D'ailleurs, l'esprit du concile était celui d'un dialogue interne entre les différents courants d'interprétation de l'institution papale dans le fonctionnement d'ensemble des corps de l'Église occidentale. La controverse dialectique a marqué toutes les propositions en la matière au cours des travaux du concile, visait à une proclamation conciliaire sur l'expérience sacramentelle de l'Église et sur leur rôle particulier du ministère de l'évêque de Rome au sein de l'Église. Proclamation qui serait fondée tant sur la tradition séculaire que sur les besoins spécifiques de l'Église occidentale dans le contexte de la confrontation à la réforme protestante. Par conséquent, le débat au cours des conciles portait à la fois sur la conscience de soi de l'Église catholique romaine et sur les thèses déjà établies de la théologie de la réforme protestante. Dans ce sens, l'image de l'Église catholique romaine, telle qu'elle ressort du fonctionnement et des décisions officielles du Concile de Trente, retrouve les caractéristiques fondamentales de l'ecclésiologie de la tradition ecclésiale commune du premier millénaire. Caractéristiques qui, dans une conjoncture différente, auraient pu l'amener à un dialogue de fond avec l'Église orthodoxe en vue de rétablir la communion ecclésiale. Le problème de l'Église catholique romaine, d'une part, à raison de l'impact de la réforme protestante occitane, c'est de l'Église orthodoxe, d'autre part, à raison de l'ajustissement de la majorité des peuples orthodoxes à la domination turque en Orient. Non seulement n'ont pas permis aux deux églises de prendre des initiatives en ce sens, mais ont en outre compliqué les relations du fait de l'action de l'uniatisme latin en Orient et des décisions prises par les conciles vaticans premiers. On a tâché d'être canoniquement présent lors des travaux du Concile de Trente, mais malheureusement sans succès. Je vous conseille de lire la communication de notre ami, le président, sur le Concile de Trento et la Chiesa greca. Le dialogue de charité entre deux églises n'a pas eu lieu à cette période cruciale du XVIe siècle, bien que la voie conciliaire via synodica fût le point de rencontre historique sur la base des critères de la tradition commune du premier millénaire. Ce n'est qu'après 4 siècles environ que l'on prit conscience de la nécessité du dialogue de charité qui fonda les présupposés ecclésiaux pour entamer un dialogue théologique officiel. L'abrogation des excommunications mutuelles, 1965. Nous fêterons l'année prochaine le 30e anniversaire. Et l'ensemble de l'ère du Concile Vatican II. On voulait avoir un dialogue constructif pour que des églises se rencontrent sur cette tradition commune. Ce dialogue ne peut certainement pas être conçu comme une confrontation horizontale et inconditionnelle entre des corps ecclésiaux constitués. Il requiert une conscience de soi inhérente pour se référer en commun aux critères établis de la tradition du premier millénaire. Et considérant, est un modèle significatif des fonctionnements de la conscience de soi de l'Église catholique romaine, mais aussi des dialogues théologiques avec l'Église orthodoxe, puisque les critères de fonctionnement de la conscience de soi de l'Église orthodoxe sont semblables. L'encyclique récente de l'évêque de Rome, Autunum Sit, portant sur une plus grande mise en valeur des dialogues bilatéraux en vue du rétablissement de l'unité des chrétiens, expose avec limpidité l'importance des critères de la tradition commune du premier millénaire, particulièrement dans le cadre du dialogue théologique entre les églises. L'esprit du Concile de Trente se reflète très fidèlement dans les propositions concrètes de l'encyclique touchant aussi l'accord sensible des orthodoxes vis-à-vis des critères communs de la tradition de l'Église. Dans cet esprit, sa publication fut saluée comme un pas important, d'une part pour le progrès plus efficace du dialogue ecclésiastique, d'autre part pour la vision du rétablissement de la pleine communion entre les Églises, qui font leur conscience de soi ecclésiale sur la fidélité et la continuité authentique de la tradition apostolique. L'importance particulière de l'encyclique est évaluée par la hiérarchie orthodoxe avec une sensibilité compréhensible vis-à-vis notamment des éléments qui ouvrent de nouvelles perspectives à notre dialogue théologique. Et ces éléments sont vraiment importants. Premièrement, l'encyclique, bien que demeure fidèle au principe ecclésiologique proclamé par le Concile Vatican II, veut voir les théologiens de l'Église catholique romaine mettre en valeur ce principe dans les dialogues théologiques bilatéraux et multilatéraux afin de servir plus efficacement l'objectif sacré du rétablissement de l'unité du monde chrétien au sein du troisième millénaire de l'histoire de l'Église. La reconnaissance basée sur le décret Unitatis Regni Gratia du Concile Vatican II, de l'ecclésialité des églises et des communautés chrétiennes qui ne se trouvent pas en communion avec l'Église catholique romaine, et en effet, du point de vue catholique romaine, un élément essentiel non seulement pour qualifier celle-ci d'Église sainte, mais aussi pour les perspectives de dialogue théologique bilatéraux, en dépit de la formulation étudiée du paragraphe en question. Je cite, en effet, les éléments de sanctification et de vérité présents dans les autres communautés chrétiennes, à des degrés différents dans les unes et les autres, constituent la base objective de la communion qui existe, même imparfaitement, entre elle et l'Église catholique. Dans la mesure où ces éléments se trouvent dans les autres communautés chrétiennes, il y a une présence active de l'unique Église de Christ en elle. C'est pourquoi le Concile Vatican II parle d'une communion réelle, même si elle est imparfaite. La Constitution Lumen Gentium souligne que l'Église catholique s'est unie pour plusieurs raisons avec ses communautés, par une certaine réunion dans l'Esprit Saint. Fin de citation. Deuxièmement, l'encyclique fait longuement et positivement mention spéciale aux relations bilatérales et au dialogue théologique avec le patriarcat œcuménique de Constantinople, en particulier et avec l'Église orthodoxe en général. Cette mention est vraiment frappante et fonde de nouvelles perspective, car elle met en relief les critères ecclésiologiques et ecclésiaux du premier millénaire de l'unité de l'Église, à savoir ce qui prévalait avant le grand schisme de 1054, comme modèle unique pour établir la communion ecclésiale entre les Églises. Ces critères constituent aussi la revendication constante de l'Église orthodoxe au sein du dialogue théologique avec l'Église catholique romaine. Je cite, après le Concile Vatican II, en se rattachant à cette tradition, l'usage a été rétabli de donner l'appellation d'Église sœur aux églises particulières ou locales rassemblées autour de l'élève. Ensuite, l'abrogation des excommunications mutuelles, supprimant un obstacle duré d'ordre canonique et psychologique, a été un pas très important sur la route vers la pleine communion. Les structures d'unité qui existaient avant la division sont un patrimoine d'expérience qui oriente notre cheminement vers le retour à la pleine communion. Évidemment, pendant le deuxième millénaire, le Seigneur n'a pas cessé de donner à son Église des fruits abondants de grâce et de croissance. Mais l'éloignement de son propre progressif entre les églises d'Occident et d'Orient les a malheureusement empêchés d'échanger les richesses et leurs dons et de leur aide. Il convient de fournir un grand effort avec la grâce de Dieu pour établir entre elles la pleine communion, source de tant de bien pour l'Église du Christ. Fin de citation. La vie commune de l'Église au cours des vieux millénaires et les critères ecclésiologiques qui ont prévalu, tels que ceux-ci ont été déterminés par la décision du Concile œcuménique, la praxis conséquente de l'Église sont désormais consacrés à tant que critères communément maintenus pour servir le dialogue théologique actuel. Je cite, cette vie d'Église, certes, nous l'avons vécue durant des siècles, célébrant ensemble les conciles écuméniques qui ont défendu le dépôt de la foi contre toute altération. Maintenant, après longue haute de division et d'incompréhension réciproque, le Seigneur nous tombe de nous redécouvrir comme qu'il sert malgré les obstacles qui furent dressés entre nous. Si aujourd'hui, au seuil du troisième millénaire, nous cherchons à rétablir la pleine communion, c'est à la mise en pratique de cette réalité que nous devons rendre tantôt, et c'est à cette réalité que nous devons nous référer. Fin de citation. Troisièmement, il semble évident que l'encyclique offre d'importants critères théologiques et méthodologiques au travail de la commission mixte dialogue théologique, avancé comme critère consacré de la tradition commune comme modèle admis pour le rétablissement de la communion ecclésiale, sans que l'interprétation de la primauté de l'évêque John soit exclue de ces critères. Je cite, c'est ça de nouveau, c'est ça qui est très important. Dans cette perspective, l'Église catholique ne veut rien d'autre que la pleine communion entre l'Orient et l'Occident, et s'inspire en cela de l'expérience du millénaire. Au cours de cette période, en effet, le développement de différentes expériences de vie ecclésiale n'empêchait pas qu'à travers des relations réciproques, les chrétiens aient pu continuer à avoir la certitude de se sentir chez eux, dans n'importe quelle église, parce que de toutes les églises s'élevaient dans une admirable variété de langues et d'accents, la louange de l'unique Père par l'Église dans l'Esprit Saint. Tout était réuni pour célébrer l'Eucharistie. Quel modèle pour la communauté, non seulement ce qui concerne la spiritualité ou la vie morale, mais également pour la structure même de l'Église, dans la variété des ministères et des services sous la présidence de l'évêque successeur des apôtres. Les premiers conciles constituent un témoignage éloquent de cette unité persistant dans la diversité. Comment refaire l'unité après environ un millier d'années? Voilà la grande tâche dont l'Église catholique doit s'acquitter et qui incombe également à l'Église orthodoxe. À partir de là, on comprend toute l'actualité du dialogue soutenu par la lumière et la puissance de l'Esprit Saint. Quatrièmement et dernièrement, l'adaptation de la primauté de l'évêque de Rome dans l'encyclique, bien qu'elle ne se différencie pas de la théorie catholique romaine, déjà formée et consciemment fondée, est présentée comme un thème ouvert au débat, au sein des dialogues tant bilatéraux et multilatéraux. Je cite. Il est cependant significatif et important que la question de la primauté de l'évêque de Rome soit actuellement devenue un objet d'étude, en cours et en projet. Il est également significatif et encourageant que cette question soit présente comme un thème essentiel non seulement dans les dialogues théologiques de l'Église catholique poursuit avec les autres églises et communautés ecclésiales, mais aussi plus généralement dans l'ensemble du mouvement écuménique. Récemment, les participants à la 5e Assemblée mondiale de la Commission Foi et Constitution du Conseil écuménique des Églises, tenue à Saint-Jacques, ont recommandé qu'elle interprète une nouvelle étude sur la question d'un mystère universel de l'unité chrétienne. Après des siècles d'âpres polémiques, les autres églises et communautés chrétiennes examinent toujours plus et d'un regard nouveau ce mystère d'unité. Il est très significatif que la fonction de l'apôtre Pierre, la fonction Pierre, est organiquement intégrée dans la fonction de tous les évêques de l'Église. Je cite, lorsque l'Église catholique affirme que la fonction de l'évêque de Rome répond à la volonté de Christ, elle ne sépare pas cette fonction de la mission confiée à l'ensemble des évêques et aussi vicaire et légat de Christ. L'évêque de Rome appartient à leur collège et son frère dans le ministère, fin de citation. L'essence de cette thèse sur le ministère de l'évêque de Rome pour l'unité de l'Église devient plus claire lorsque ceci est mis en parallèle avec la fonction et au responsable du Conseil œcuménique des Églises. Je cite, n'est-ce pas un ministère de ce type que beaucoup de ceux qui sont engagés dans l'œcuménisme expriment aujourd'hui la nécessité présider dans la vérité et dans l'amour afin que la barque de beaux symboles que le Conseil œcuménique des Églises a choisi comme emblème ne soit pas secouée par les tempêtes et puisse un jour apporter les rivages. Fin de citation. En tant qu'évêque orthodoxe, je dois avouer que la zyclique, ou tout nom aussi, constitue un pas courageux et essentiel de l'Église catholique romaine pour renforcer la crédibilité et les perspectives des dialogues théologiques bilatéraux et multilatéraux, dans le sens du rétablissement de la communion ecclésiale, du moins entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine, lesquelles focalisent leurs divergences surtout sur la façon de fonder et d'appliquer et d'exercer la primauté de l'évêque de Rome dans l'Église. Cette question est le critère méthodologique qui devrait servir à son approche correcte, sont clairement proposés à la commission mixte dialogue théologique pour être examinés et envisagés comment, dans le contexte des interprétations n'efficées que divergentes de la tradition commune du premier millénaire, tradition qui peut soigner les blessures de l'illusion du deuxième millénaire et offrir au seuil du troisième millénaire la voie vers l'unité. En ce sens, l'encyclique du pape Utunum Sit est proche de l'esprit du Concile de France et pourrait fonder les décisions similaires à la fois sur la relation du pape avec les collèges des évêques et sur le fonctionnement conciliaire du corps ecclésial. Mais je réfère si les décrets dogmatiques du Concile de Trente ne sont pas révisions bedurfi, sont des regensum fei. Nous sommes appelés à dépasser l'attitude qui consiste souvent à identifier la foi apostolique et son expression d'une manière exclusive avec nos propres théologies, afin de chercher et découvrir l'unité au-delà de nos expressions théologiques, spirituelles et liturgiques différentes, qui correspondent à nos provenances socioculturelles différentes, et qui contiennent à réussir la communion dans la foi et l'amour. Les centenaires aussi de 30 ans est une invitation urgente adressée à nous tous et surtout aux églises qui prétendent de continuer d'une manière ininterrompue l'Église une sainte catholique et apostolique de réfléchir ensemble sur l'éventuel, si la convocation éventuelle d'un concile vraiment œcuménique qui pourrait contribuer d'une manière décisive au dépassement de la séparation qui constitue une situation normale, une blessure sanglante au corps du Christ qui est l'Église, je crois que cela est la meilleure, pourrait être la meilleure perspective au seuil du troisième millénaire. Merci. Credo che l'applauso abbia salutato ciò che abbiamo detto, la partecipazione e il contributo eccezionale che Sua Eminenza Don Aspinos ci ha dato, eccezionale non solo per la sua presenza ma per la posizione che a nome della Chiesa, del Patriarcato Ecumenico, della Chiesa Ortodossa, con la sua competenza egli ha preso storicamente davanti al Concilio di Trento. Credo, per quel che so della letteratura storica della Chiesa greca o greco-bizantina, che è difficile trovare una valutazione così positiva e serena del Concilio di Trento in sede storica. Tanto positiva e serena che io mi permetterei, io ho già detto a Sua Eminenza, di rimproverargli un po' di bontà, generosità e indulgenza eccessiva. Questo è il suo problema, no? Eccessiva. No, è anche il suo problema, vedrete che è anche il suo problema. Eccessiva rispetto ai papi, ai legati e al Concilio di Trento, storicamente. Diavolo dell'amore, siamo tutti ben convinti, e credo che Sua Eminenza con la sua vita ne è una prova quanto sia essenziale. Solo però accompagnato o fuso con il dialogo della verità. E la verità chiede che non si taccia o non si nasconda ciò che è di responsabilità o dell'uno o dell'altra parte nel cammino dell'unità. Aggiungo subito che non, questo rimprovero non può andare a Sua Eminenza che ha messo così bene in luce come l'aspetto conciliare, il recupero o il mantenimento dell'idea conciliare e nella prassi conciliare della Chiesa Cattolica è veramente un elemento estremamente positivo che ci permette di essere oggi qui dove siamo. Con il se avesse vinto nel paradosso la riforma protestante non ce l'avremmo. Grazie alla Chiesa Cattolica, il Concilio di Trento ce l'abbiamo insieme con tutte le Chiese Ortodosse. Detto ciò, la responsabilità negativa del Concilio di Trento non se ne è parlato, ma non possiamo fare rimprovero alla Sua Eminenza di avere ignorato dei dati che né Paolo Sarpi, che pure li cercava, né Hubert Yedin e perfino Giuseppe Alberigo ignoravano. Di questo non faremo quindi un rimprovero a lui. Questi dati sono per invito dei organizzatori che mi ha chiesto di parlare 5 minuti e dopo facciamo una pausa. 5 minuti voglio dire questo, perché Sua Eminenza deve partire, tra l'altro, ma abbiamo detto. La principale ripercussione negativa sul Concilio, dice Yedin, per la storia della Chiesa moderna è avere consolidato, non creato, ma consolidato una frattura che già esisteva all'interno della cristianità. Sono le parole significative con cui apre la sua storia del Concilio di Trento Paolo Sarpi ed è la conclusione del 75 di Hubert Yedin. Ma quando ogni volta sensibile al problema della Wiederverein dei cristiani ha scritto parecchi, ha fatto conferenze, ha scritto 5 o 6 articoli, Hubert Yedin ha sempre pensato alla Wiederverein dei cristiani occidentali. Non parla mai, non prende mai in esame il problema della unione con le chiese orientali. Anzi, per dire la verità, tutta la storia europea sul Concilio di Trento, siccome dei greci nel Concilio di Trento non si è parlato, non ne parla mai. Invece, è vero che ogni tanto è sorto il problema della tradizione della chiesa greca. Esisteva una chiesa greca bizantina al tempo del Concilio di Trento, ma non se ne è voluto prendere assolutamente atto o parlare dei problemi chiesa greca in Concilio. Ogni volta che è saltato fuori, con l'allusione al Concilio di Trento, con la questione del matrimonio, in cui si poteva entrare in questo discorso, i legati hanno bloccato il discorso, a tal segno che quando è stato tirato nell'ultima sessione un siluro, se posso dire così, da parte degli ambasciatori veneti, d'accordo con l'Episcopato Veneto e con Pietro Lando, per cui gli hanno detto: voi non potete decidere su questo perché non avete invitato i patriarchi della Chiesa greca, e Lando e gli altri potevano dirlo perché loro avevano invitato personalmente Gioacchino III di Alessandria e gli altri patriarchi e i patriarchi di Costantinopoli, e questi avevano inviato, come abbiamo visto, dei loro rappresentanti. Di fronte a questo, il cardinal Morone aveva la gotta quella mattina, non c'era, e il giorno dopo hanno chiesto agli ambasciatori veneti di togliere questo accenno che c'era nella loro petizione, perché questo era veramente mettere in dubbio l'ecumenicità o addirittura la verità del Concilio. Questo episodio indica quindi che la principale responsabilità negativa di un concilio celebrato come ecumenico consiste per Yedin nell'aver dato inizio alla stagione delle confessioni. Dunque, confessionelle Zeitalter. Cosa significa questo per le chiese ortodosse, che sono le chiese ortodosse? Un concilio celebrato in ottemperanza alle richieste pontificie, abbiamo sentito ieri, come ecumenicum seo universale a generale concilium, consiste per Yedin nell'avere dato inizio alla stagione confessionale nei rapporti tra chiese cristiane. Tale stagione, ecco il punto, non portò a contrapporre soltanto i cattolici, individualmente considerati, ai protestanti, ma anche a distinguere, e questo era per la prima volta, i singoli cristiani cattolici dai singoli individui ortodossi, invece di mettere a confronto, come era normale con l'Oriente per tradizione antica, la Chiesa romana e latina con la Chiesa bizantina e greca e slava, anche se naturalmente esse si consideravano scisma, ma erano chiese sorelle. I teologi veneti e le autorità venete del XVII secolo parlano ancora di chiese sorelle, letteralmente, non è una invenzione dei nostri tempi. La consacrazione, e finisco, la consacrazione magisteriale e l'avallo canonico di una divisione confessionale tra le chiese storiche, sancita per di più in una sede conciliare, appare pertanto la scelta storica e ideale, gravida di conseguenze deleterie per la unità e la comunione visibile dei cristiani, tradizionalmente compresi nelle singole chiese locali, in comunione comunitaria, di fede e di carità, anche visibili tra di loro. Col Concilio di Trento, la Chiesa di Roma interveniva direttamente a dichiarare lo stato di eresia dei singoli fedeli all'interno della vita sacramentale delle loro chiese di appartenenza, pur sapendo di non essere in comunione piena con il loro episcopato, per avere tacitamente assunto come dato assoluto e discriminazione ontologica lo stato in cui si trovavano in quel momento. La questione ecumenica ha posto oggi, non sono io che lo dico, ma non siete voi che lo dite, ma è la questione, in primo piano un interrogativo ecclesiologico radicale. Abbiamo ancora il diritto, dico il diritto, di rimanere separati così come lo siamo attualmente grazie, o malgrado, o purtroppo, al Concilio di Trento? È un grande interrogativo. Ringrazio, e adesso possiamo fare una pausa.